is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Oh,

que des années Hans. Blague et sick, fan, why is sick, pan, package woo, Danny, selling ball, candy, man had the macho like Randy, the chopper go out for Grammy, then nigga pull up your banner, hope you killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Nouveau, nouveauté, nouveau son, nouveauté Skyrock. Hey, hey, c'est ça canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes seules liens me voient ouvert.